Carole Flanders, 8e partie. Nous fîmes assez bon voyage jusqu'au moment de toucher la côte d'Angleterre, ce qui fut au bout de 32 jours que nous fûmes secoués par 2 ou 3 tempêtes, dont l'une nous chassa sur la côte d'Irlande, où nous relâchâmes à Kinsale. Là, nous restâmes environ 13 jours, et, après nous être rafraîchis à terre, nous nous embarquâmes de nouveau, mais trouvâmes de nouveau du fort mauvais temps, où le vaisseau rompit son grand mât, comme ils disent. Mais nous entrâmes enfin au port de Milford, en Cornouailles, où, bien que je fusse très loin de notre port de destination, pourtant ayant mis sûrement le pied sur le sol ferme de l'île de Bretagne, je résolus de ne plus m'aventurer sur les eaux qui m'avaient été si terribles. De sorte qu'emmenant à terre mes hardes et mon argent, avec mes billets de chargement et d'autres papiers, je résolus de gagner Londres et de laisser le navire aller trouver son port. Le port auquel il était attaché était Bristol, où vivait le principal correspondant de mon frère. J'arrivai à Londres au bout d'environ 3 semaines, où j'appris, un peu après, que le navire était arrivé à Bristol, mais en même temps, j'eus la douleur d'être informé que par la violente tempête qu'il avait supportée et le bris du grand mât, il avait été fortement avarié et qu'une grande partie de la cargaison était toute gâtée. J'avais maintenant une nouvelle scène de vie sur les mains et qui avait une affreuse apparence. J'étais parti avec une sorte d'adieu final. Le chargement que j'avais apporté avec moi était considérable en vérité s'il fût arrivé en bon état, et par son aide j'eusse pu me remarier suffisamment bien. Mais comme il était, j'étais réduite en tout à 200 ou 300 livres et sans aucun espoir de renfort. J'étais entièrement sans amis, oui, même sans connaissances, car je trouvais qu'il était absolument nécessaire de ne pas raviver les connaissances d'autrefois. Et pour ma subtile amie, qui m'avait disposé jadis à happer une fortune, elle était morte, et son mari aussi. Le soin de ma cargaison de marchandises m'obligea bientôt après à faire le voyage de Bristol. Et pendant que je m'occupais de cette affaire, je me donnais le divertissement d'aller à Bath. Car, ainsi que j'étais encore loin d'être vieille, ainsi mon humeur, qui avait toujours été gaie, continuait de l'être à l'extrême. Et moi qui étais, maintenant, en quelque façon, une femme de fortune, quoique je fusse une femme sans fortune, j'espérais voir tomber sur mon chemin une chose ou une autre qui pût améliorer ma condition, ainsi qu'il était arrivé jadis. Bath est un lieu d'assez de galanterie, coûteuse et remplie de pièges. J'y allais, à la vérité, à seule fin de saisir ce qui s'offrirait, mais je dois me rendre la justice d'affirmer que je n'avais d'autres intentions que d'honnêtes et que je n'étais point d'abord hantée par les pensées qui me menèrent ensuite sur la route où je souffris de me laisser guider par elles. Là, je restai toute l'arrière-saison, comme on dit là-bas, et j'y nouai de misérables liaisons qui plutôt me poussèrent aux folies où je tombai qu'elles ne me fortifièrent à l'encontre. Je vivais en agrément, recevais de la bonne société, je veux dire une société délicate et joyeuse. Mais je découvris avec découragement que cette façon de vivre me ferait rapidement sombrer et que n'ayant point de revenus fixes, en dépensant sur le capital, je ne faisais que m'assurer de saigner à mort, et ceci me donna beaucoup de tristes réflexions. Toutefois, je les secouais, et me flattais encore de l'espoir qu'une chose ou une autre se présenterait à mon avantage. Mais je n'étais point dans le lieu qu'il fallait. Je n'étais plus à Redriff, où, si je me fusse convenablement établi, quelque honnête capitaine marin ou autre eût pu me solliciter d'honorables mariages. Mais j'étais à Bath, où les hommes trouvent une maîtresse parfois, mais bien rarement viennent chercher une femme. Et il s'ensuit que toutes les liaisons privées qu'une femme peut y espérer doivent avoir quelque tendance de cette sorte. J'avais passé suffisamment bien le début de la saison, car bien que j'eusse noué liaison avec un gentilhomme qui venait à Bath pour se divertir, je n'avais point consenti de traiter pernicieux. Mais cette première saison m'amena pourtant à faire la connaissance d'une femme dans la maison de qui je logeais, qui ne tenait point une mauvaise maison, certes, mais qui n'était pas elle-même remplie des meilleurs principes. Je m'étais, à toutes occasions, conduite avec tant d'honnêteté que ma réputation n'avait pas été touchée par la moindre souillure, et tous les hommes avec qui j'avais fréquenté étaient de si bonne renommée que je n'avais pas obtenu le moindre blâme sur ces liaisons. Aucun d'eux ne semblait penser qu'il y eût nul moyen de proposer rien de mal. Toutefois, il y avait, ainsi que je l'ai dit, un seul gentilhomme qui me remarquait sans cesse et se divertissait en ma compagnie, comme il l'appelait, laquelle, comme il lui plaisait à dire, lui était fort agréable. Mais à ce moment, il n'y eut rien de plus. Je passai bien des heures mélancoliques à Bath, après que toute la société eut quitté la ville. Car bien que j'allasse parfois à Bristol pour disposer mes affaires et prendre quelque argent, cependant il me semblait préférable de retourner à Bath et d'en faire ma résidence, parce qu'étant en bons termes avec la femme chez qui j'avais logé l'été, je trouvais qu'en hiver je pouvais y vivre à meilleur marché que partout ailleurs. Ici, dis-je, je passais l'hiver aussi tristement que j'avais joyeusement passé l'été. Mais ayant noué une intimité plus étroite avec la femme dans la maison de qui je logeais, je ne pus m'empêcher de lui communiquer quelqu'une des choses qui me pesaient le plus lourdement sur l'esprit, et en particulier la pauvreté de ma condition. Je lui dis aussi que j'avais en Virginie ma mère et mon frère, qui étaient dans une situation aisée, et comme j'avais véritablement écrit à ma mère une lettre privée pour lui représenter ma condition et la grande perte que j'avais subie, ainsi ne manquais-je point de faire savoir à ma nouvelle amie que j'attendais un envoi de fonds, ce qui était véritable. Et comme les navires allaient de Bristol à la rivière de York, en Virginie, et retour, d'ordinaire en moins de temps que ceux qui partaient pour Londres, et que mon frère correspondait principalement avec Bristol, je crus qu'il était bien préférable d'attendre mes envois là où j'étais que d'aller à Londres. Ma nouvelle amie parut fort sensiblement émue de ma condition, et en vérité, elle eut la bonté de réduire le prix qu'il me coûtait pour vivre avec elle jusqu'à être si bas pendant l'hiver que je me persuadais qu'elle ne gagnait rien sur moi. Pour le logement, durant l'hiver, je ne payais rien du tout. Quand survint la saison du printemps, elle continua de se montrer gracieuse au possible, et je logeai chez elle un certain temps, jusqu'à ce que je trouvais nécessaire d'agir différemment. Elle avait quelques personnes de marque qui logeaient fréquemment dans sa maison, et en particulier le gentilhomme qui, ainsi que je l'ai dit, avait recherché ma société l'hiver d'avant. Il revint en compagnie d'un autre gentilhomme et de deux domestiques et logea dans la même maison. Je soupçonnai ma propriétaire de l'avoir invité en lui faisant savoir que j'habitais toujours avec elle, mais elle le nia. Ce gentilhomme arriva donc et continua de me remarquer et de me témoigner une confiance particulière. C'était un véritable gentilhomme, je dois l'avouer, et sa société m'était aussi agréable que la mienne, je crois, pouvait l'être pour lui. Il ne me fit d'autre profession que d'extraordinaire respect, et il avait une telle opinion de ma vertu qu'ainsi qu'il le déclarait souvent, il pensait que s'il proposait rien d'autre, je le repousserais avec mépris. Il eut bientôt appris par moi que j'étais veuve, que j'étais arrivée de Virginie à Bristol par les derniers navires, et que j'attendais à Bath la venue de la prochaine flottille de Virginie qui devait m'apporter des biens considérables. J'appris par lui qu'il avait une femme, mais que la dame avait la tête troublée et qu'elle avait été placée sous le gouvernement de ses propres parents, à quoi il avait consenti pour empêcher tout blâme à l'endroit du mauvais ménagement de la cure, et que, cependant, il était venu à Bath pour se récréer l'esprit dans des circonstances si mélancoliques. Ma propriétaire qui, de son propre gré, encourageait cette liaison en toutes occasions, me fit de lui un portrait fort avantageux, comme d'un homme d'honneur et de vertu, autant que de grande fortune. Et en vérité, j'avais bonne raison de le croire, car bien que nous fussions logés tous deux de plein pied, et qu'il fût souvent entré dans ma chambre, même quand j'étais au lit, ainsi que moi dans la sienne, il ne s'était jamais avancé au-delà d'un baiser ou ne m'avait sollicité même de choses autres jusque longtemps après, comme vous l'entendrez. Je faisais fréquemment à ma propriétaire des remarques sur l'excès de sa modestie, et de son côté, elle m'assurait qu'elle n'en était pas surprise, l'ayant aperçue dès l'abord. Toutefois, elle me répétait qu'elle pensait que je devais attendre quelque gratification de lui en faveur de ma société, car en vérité, il semblait qu'il fût toujours à mes trousses. Je lui répondis que je ne lui avais pas donné la moindre occasion d'imaginer que j'en eusse besoin ou que je dusse rien accepter de sa part. Mais elle m'assura qu'elle s'en chargerait et elle mena l'affaire avec tant de dextérité que, la première fois que nous fûmes seuls ensemble, après qu'elle lui eut parlé, il se mit à s'enquérir de ma condition, comment je m'étais entretenue depuis mon débarquement et si je n'avais point besoin d'argent. Je pris une attitude fort hardie. Je lui dis que bien que ma cargaison de tabac fût avariée, toutefois elle n'était pas entièrement perdue, que le marchand auquel j'avais été consigné m'avait traité avec tant d'honnêteté que je n'avais point éprouvé de besoin et que j'espérais par gouvernement frugal faire durer ce que je possédais jusqu'à recevoir un autre envoi que j'attendais par la prochaine flotte, que cependant j'avais retranché sur mes dépenses et qu'au lieu qu'à la saison dernière j'avais entretenu une servante, maintenant je m'en passais. et qu'au lieu que j'avais alors une chambre avec une salle à manger au premier étage, je n'avais maintenant qu'une chambre au second et d'autres choses semblables. Mais je vis, dis-je, aussi bien satisfaite aujourd'hui qu'auparavant, ajoutant que sa société m'avait porté à vivre bien plus gaiement que je n'eusse fait autrement, de quoi je lui étais fort obligée, et ainsi j'écartai toute proposition pour l'instant. Il ne se passa pas longtemps qu'il m'entreprit de nouveau et me dit qu'il trouvait que je répugnais à lui confier la vérité de ma condition, ce dont il était fâché, m'assurant qu'il s'en informait sans dessein de satisfaire sa curiosité, mais simplement pour m'aider si l'occasion s'en offrait. Mais que, puisque je n'osais avouer que j'avais besoin d'assistance, il n'avait qu'une chose à me demander, qui était de lui promettre, si j'étais en quelque manière gênée, de le lui dire franchement, et d'user de lui avec la même liberté qu'il en faisait l'offre, ajoutant que je trouverais toujours en lui un ami dévoué, quoique peut-être j'éprouvasse la crainte de me fier à lui. Je n'omis rien de ce qui convenait qui fût dit par une personne infiniment obligée pour lui faire comprendre que j'éprouvais fort vivement sa générosité. Et en vérité, à partir de ce moment, je ne parus pas si réservée avec lui qu'auparavant, quoique nous tenant encore des deux parts dans les limites de la plus stricte vertu. Mais combien libre que fût notre conversation, je n'en pus venir à cette liberté qu'il désirait et qui était de lui dire que j'avais besoin d'argent, quoique, secrètement, je fusse bien heureuse de son offre. Quelques semaines passèrent là-dessus, et toujours je ne lui demandais point d'argent. Quand ma propriétaire, une rusée créature, qui m'en avait souvent pressé, mais trouvait que je ne pouvais le faire, fabrique une histoire de sa propre invention et vient crûment à moi pendant que nous étions ensemble. « Oh, veuve ! » dit-elle, « j'ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre ce matin. » « Et qu'y a-t-il » dis-je. « Est-ce que les navires de Virginie ont été pris par les Français ?» Car c'est ce que je redoutais. « Non, non, » dit-elle, « mais l'homme que vous avez envoyé à Bristol hier pour chercher de l'argent est revenu et dit qu'il n'en a point rapporté. » Je n'étais nullement satisfaite de son projet. Je pensais que cela aurait trop l'apparence de le pousser, ce dont il n'y avait aucun besoin, et je vis que je ne perdrais rien, en feignant de me refuser au jeu, de sorte que je la repris de court. « Je ne puis m'imaginer pourquoi il aurait ainsi parlé, dis-je, puisque je vous assure qu'il m'a apporté tout l'argent que je l'avais envoyé chercher, et le voici, dis-je, tirant ma bourse où il y avait environ 12 guinées. Et d'ailleurs, ajoutai-je, j'ai l'intention de vous en donner la plus grande partie tout à l'heure. » Il avait paru un peu mécontenté de sa façon de parler autant que moi, trouvant, ainsi que je pensais bien, qu'elle prenait un peu trop de liberté. Mais quand il vit la réponse que je lui faisais, il se remit sur le champ. Le lendemain matin, nous en reparlâmes, et je le trouvai pleinement satisfait. Il me dit en souriant qu'il espérait que je ne me laisserais point manquer d'argent sans le lui dire, et que je lui avais promis le contraire. Je lui répondis que j'avais été fort vexée de ce que ma propriétaire eût parlé si ouvertement la veille d'une chose où elle n'avait point à se mêler, mais que j'avais supposé qu'elle désirait être payée de ce que je lui devais, qui était environ 8 guinées, que j'avais résolu de lui donner et lui avais donné la même nuit. Il fut dans une extraordinaire bonne humeur quand il m'entendit dire que je l'avais payée, puis passa à quelque autre discours pour le moment. Mais le lendemain matin, ayant entendu que j'étais levé avant lui, il m'appela et je lui répondis. Il me demanda d'entrer dans sa chambre. Il était au lit quand j'entrai, et il me fit venir m'asseoir sur le bord du lit, car il me dit qu'il avait quelque chose à me dire. Après quelques expressions fort tendres, il me demanda si je voulais me montrer bien honnête et donner une réponse sincère à une chose dont il me priait. Après une petite chicane sur le mot « sincère » et lui avoir demandé si jamais je lui avais donné des réponses qui ne fussent pas sincères, je lui fis la promesse qu'il voulait. « Eh bien alors, sa prière était, dit-il, de lui faire voir ma bourse. » Je mis aussitôt ma main dans ma poche et, riant de lui, je tirai la bourse où il y avait 3 guinées et demie. Alors, il me demanda si c'était tout l'argent que j'avais. Je lui dis « Non !» riant encore, « il s'en faut de beaucoup !»« Eh bien alors, dit-il, il fallait lui promettre d'aller lui chercher tout l'argent que j'avais jusqu'au dernier fardin. Je lui dis que j'allais le faire et j'entrai dans ma chambre d'où je lui rapportai un petit tiroir secret où j'avais environ 6 guinées de plus et un peu de monnaie d'argent et je renversai tout sur le lit et lui dis que c'était là toute ma fortune, honnêtement, à 1 shilling près. Il regarda l'argent un peu de temps, mais ne le compta pas, puis le brouilla et le remit pêle-mêle dans le tiroir. Ensuite, atteignant sa poche, il en tira une clé et me pria d'ouvrir une petite boîte en bois de noyer qu'il avait sur la table et de lui rapporter tel tiroir, ce que je fis. Dans ce tiroir, il y avait une grande quantité de monnaie en or, je crois près de 200 guinées, mais je ne pus savoir combien. Il prit le tiroir et, me tenant par la main, il me la fit mettre dedans et en prendre une pleine poignée. Je ne voulais point et me dérobai, mais il me serrait la main fermement dans la sienne et il la mit dans le tiroir et il m'y fit prendre autant de guinées presque que j'en pus tenir à la fois. Quand je l'eus fait, il me les fit mettre dans mon giron et prit mon petit tiroir et versa tout mon argent parmi le sien, puis me dit de m'en aller bien vite et d'emporter tout cela dans ma chambre. Je rapporte cette histoire plus particulièrement à cause de sa bonne humeur et pour montrer le ton qu'il y avait dans nos conversations. Ce ne fut pas longtemps après qu'il commença chaque jour de trouver des défauts à mes habits, à mes dentelles, à mes coiffes. Et, en un mot, il me pressa d'en acheter de plus beaux, ce dont j'avais assez d'envie d'ailleurs, quoique je ne le fisse point paraître. Je n'aimais rien mieux au monde que les beaux habits, mais je lui dis qu'il me fallait bien ménager l'argent qu'il m'avait prêté, sans quoi je ne pourrais jamais le lui rendre. Il me dit alors en peu de paroles que, comme il avait un sincère respect pour moi et qu'il connaissait ma condition, il ne m'avait pas prêté cet argent, mais me l'avait donné, et qu'il pensait que je l'eusse bien mérité, lui ayant accordé ma société aussi entièrement que je l'avais fait. Après cela, il me fit prendre une servante et tenir la maison, et, son ami étant parti, il m'obligea à prendre le gouvernement de son ménage, ce que je fis fort volontiers, persuadé, comme il parut bien, que je n'y perdrais rien, et la femme qui nous logeait ne manqua point non plus d'y trouver son compte. Nous avions vécu ainsi près de 3 mois, quand la société de Bath commençant à s'éclaircir, il parla de s'en aller, et il était fort désireux de m'emmener avec lui à Londres. J'étais assez troublée de cette proposition, ne sachant pas dans quelle position j'allais m'y trouver ou comment il me traiterait. Mais tandis que l'affaire était en litige, il se trouva fort indisposé. Il était allé dans un endroit du Somersetshire qu'on nomme Shepton. Et là, il tomba très malade, si malade qu'il ne pouvait voyager. Si bien qu'il renvoya son laquais à Bath pour me prier de louer un carrosse et de venir le trouver. Avant de partir, il m'avait confié son argent et autre chose de valeur, et je ne savais qu'en faire. Mais je l'essayerai du mieux que je pus et fermai le logement à clé. Puis je partis et le trouvai bien malade en effet, de sorte que je lui persuadai de se faire transporter en chaise à porteur à Bath, où nous pourrions trouver plus d'aide et meilleurs conseils. Il y consentit et je le ramenai à Bath, qui était à environ 15 lieues, autant que je m'en souviens. Là, il continua d'être fort malade d'une fièvre et garda le lit 5 semaines. Et tout ce temps, je le soignais et le dorlotais avec autant de tendresse que si j'eusse été sa femme. En vérité, si j'avais été sa femme, je n'aurais pu faire davantage. Je restais assise auprès de lui si longtemps et si souvent qu'à la fin il ne voulut pas que je restasse assise davantage. En sorte que je fis mettre un lit de veille dans sa chambre et que je m'y couchai, juste au pied de son lit. J'étais vraiment sensiblement affectée de sa condition et des appréhensions de perdre un ami tel qu'il était et tel qu'il serait sans doute pour moi. Et je restais assise à pleurer près de lui pendant bien des heures. Enfin, il alla mieux et donna quelque espoir, ainsi qu'il arriva d'ailleurs, mais très lentement. S'il en était autrement que je ne vais dire, je ne répugnerais pas à le révéler, comme il est apparent que j'ai fait en d'autres cas. Mais j'affirme qu'à travers toute cette liaison, excepté pour ce qui est d'entrer dans la chambre, quand lui ou moi nous étions au lit, et de l'office nécessaire des soins de nuit et de jour quand il fut malade, il n'avait point passé entre nous la moindre parole ou action impure. Oh, si tout fut resté de même jusqu'à la fin! Après quelque temps, il reprit des forces et se remit assez vite. Et j'aurais enlevé mon lit de veille, mais il ne voulut pas me le permettre jusqu'à ce qu'il pût s'aventurer sans personne pour le garder, et alors je repris quartier dans ma chambre. Il saisit mainte occasion d'exprimer le sens qu'il avait de ma tendresse pour lui. Et quand il fut bien, il me fit présent de 50 guinées pour me remercier de mes soins et d'avoir, comme il disait, risquer ma vie pour sauver la sienne. Et maintenant, il fit de profondes protestations de l'affection sincère et inviolable qu'il me portait, mais avec la plus extrême réserve pour ma vertu et la sienne. Je lui dis que j'étais pleinement satisfaite là-dessus. Il alla jusqu'au point de m'assurer que, s'il était tout nu au lit avec moi, il préserverait aussi saintement ma vertu qu'il la défendrait si j'étais assaillie par un ravisseur. Je le crus et le lui dis, mais il n'en fut pas satisfait. Il voulait, disait-il, attendre quelque occasion de m'en donner un témoignage indubitable. Ce fut longtemps après que j'eus l'occasion, pour mes affaires, d'aller à Bristol. Sur quoi il me loua un carrosse et voulut partir avec moi. Et maintenant, en vérité, notre intimité s'accrut. De Bristol, il m'emmena à Gloucester, ce qui était simplement un voyage de plaisance pour prendre l'air, et là, par fortune, nous ne trouvâmes de logement à l'hôtellerie que dans une grande chambre à deux lits. Le maître de la maison allant avec nous pour nous montrer ses chambres et arrivant dans celle-ci, lui dit avec beaucoup de franchise. « Monsieur, ce n'est point mon affaire de m'enquérir si cette dame est votre épouse ou non. Mais sinon, vous pouvez aussi honnêtement coucher dans ces deux lits que si vous étiez dans deux chambres. » Et là-dessus, il tire un grand rideau qui s'étendait tout au travers de la chambre et qui séparait les lits en effet. « Eh bien, dit mon ami, très au point, ces lits feront l'affaire. Pour le reste, nous sommes trop proches parents pour coucher ensemble, quoique nous puissions loger l'un près de l'autre. » Et ceci jeta sur toute la chose une sorte d'apparence d'honnêteté. Quand nous en vîmes à nous mettre au lit, il sortit décemment de la chambre jusqu'à ce que je fusse couché, et puis se mit au lit dans l'autre lit, d'où il me parla, s'étant étendu assez longtemps. Enfin, répétant ce qu'il disait d'ordinaire, qu'il pouvait se mettre au lit tout nu avec moi, sans me faire le moindre outrage, il saute hors de son lit. « Et maintenant, ma chérie, vous allez voir combien je vais être juste pour vous et que je sais tenir parole. » Et le voilà venir jusqu'à mon lit. Je fis quelque résistance, mais je dois avouer que je ne lui eusse pas résisté beaucoup, même s'il n'eût fait nulle de ses promesses. Si bien qu'après une petite lutte, je restai tranquille et le laissai entrer dans le lit. Quand il s'y fut couché, il m'entoura de ses bras, et ainsi je couchai toute la nuit près de lui. Mais il ne me fit rien de plus, ou ne tenta rien d'autre que de m'embrasser, dis-je, dans ses bras, non vraiment, et de toute la nuit. Mais se leva et s'habilla le matin, et me laissa aussi innocente pour lui que le jour où je fus née. J'accorde que c'était là une noble action, mais comme c'était ce que je n'avais jamais vu avant, ainsi me plongea-t-elle dans une parfaite stupeur. Nous fîmes le reste du voyage dans les mêmes conditions qu'avant, et nous revînmes à Bath, où, comme il avait occasion d'entrer chez moi quand il voulait, il répéta souvent la même modération, et fréquemment je couchais avec lui. Et bien que toutes les familiarités de mari et femme nous fussent habituelles, cependant jamais il n'offrit d'aller plus loin, et il en tirait grande vanité. Je ne dis pas que j'en étais aussi entièrement charmée qu'il pensait que je le fusse, car j'avoue que j'étais bien plus vicieuse que lui. Nous vécûmes ainsi près de 2 ans, et, avec la seule exception qu'il se rendit 3 fois à Londres durant ce temps et qu'une fois il y séjourna 4 mois. Mais pour lui rendre justice, il ne cessa de me donner de l'argent pour m'entretenir fort bellement. »